بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On lit ce passage et c'est l'explication d'un verset de Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim رحمه الله dans son livre الفوائد. قال فصل في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومطالع للعبد. Ce verset, c'est un verset عظيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أي il se peut que vous détestiez une chose et cette chose c'est un bien pour vous. والعكس وعسى أن تحبوا شيئا. Il se peut que vous aimiez une chose et cette chose, c'est un char pour vous, c'est un mal pour vous. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait et vous ne savez pas. Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il va citer des fawa'id par rapport à ce verset. Et nous, on a besoin de ça. Il y en a tous les jours, on a des choses qui nous plaisent, on voit des choses qui nous plaisent, on entend des choses qu'on aime. On voit des choses qu'on n'aime pas, on entend des choses qu'on n'aime pas. Donc connaître ce genre de verset et l'appliquer, ça t'aidera dans ton din et fi dunya kadhalik. Tout ce qui est lié avec ta religion et kadhalik les choses de dunya. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, fa inna al-'abda idha 'alima anna al-makruh qad ya'ti bil-mahbub wal-mahbub qad ya'ti bil-makruh لم يأمن أن يوافي أن توافيه المضرة من جانب المسر. C'est une faïda azima. Une leçon que tu tires de ce verset, أن une chose que t'aimes, في الحقيقة, elle peut te faire du mal. Une chose que t'aimes pas, que tu détestes, في الحقيقة, c'est un bien. قال ولم ييأس أن تأتيه المسر من جانب المضرة. Et ça, c'est une faïda azim. Anna, tu peux être touché par quelque chose que tu n'aimes pas, lakin, si tu connais ce verset, et tu as cette croyance, tu ne désespères pas. Tu sais que dans ce mal, bi'idnillah, il y a un bien. Comme les gens, ils sont éprouvés, ils perdent un enfant. Comme les gens, ils sont éprouvés, ils perdent de l'argent. Comme les gens, ils sont éprouvés par une maladie ou autre. Si tu connais ce verset, wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, ça te soulage. Tu sais, bi'idnillah azza wa jal, que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu patientes et tu suis as-sunnah, tu patientes et tu suis at-tariq al-mustaqim, incha'Allah, ça sera un bien pour toi. Qala Sheikh al-Islam, li'adam ilmihi bil'awaqib, fa inna Allah ya'lam minha ma la ya'lamuhu al-abd, awjaba lahu dhalik umr. On doit avoir, nous, la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Enfin, ne désespère pas, ne te lamente pas. Dès qu'il t'arrive une chose, dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah ala kulli hal. Et essaye de profiter de cette chose. Qala Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, minha. Parmi ces choses, qui déduit, rahmatullah alayhi, de ce verset, Annahu la anfa'lahu min imtithal al-amr, wa in shaqqa alayhi fil ibtida. Donc la chose la plus bénéfique, c'est que tu fasses des efforts dans l'adoration. Ta'atullahi wa ta'at al-rasul. Même si au départ c'est difficile. Et c'est vrai qu'au départ c'est difficile. Celui qui n'a pas l'habitude de faire salat, au départ ça peut être difficile. Délaisser certaines choses qui sont haram, au départ ça peut être difficile. Il y en a sept hommes ou sept femmes, ils n'ont plus l'habitude. Lakin wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Patiente. Au début c'est difficile, c'est lourd. Thumma. Inch'Allah, tu profiteras. قال لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفرح وإن كرهته نفسه. Prends l'exemple de salat. Celui qui patiente à salat, il ne peut plus s'en passer. Ça le repose. كذلك la récompense عند الله elle est عظيمة. Celui qui meurt à l'islam et il fait salat et il est sincère, il fait partie de Ahlul Jannah. Bien sûr, s'il ne contredit pas tout ça avec du shirk ou quelque chose qui annule l'islam, ayyadam billah. Fahuwa khayrun laha wa anfa'. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي. Tu dois savoir une chose, كذلك أن la chose qui te fera le plus de mal, c'est les péchés, al-ma'asi, al-mukhalafat. Même si tu ressens bien en faisant cette mukhalafa, ce péché, i'lam que ça te fera du mal. وَإِنْ هَوْيَتْهُ نَفْسُهُ وَمَالَتْ إِلَيْهِ فَإِنَّ عَوَاقِبَهُ كُلَّهَا أَلَامٌ وَأَحْزَانٌ وَشُرُورٌ وَمَصَائِبٌ. C'est ça la conséquence des ma'asi. Même si tu profites. بعض الناس مثلا والعياذ بالله ils font zina, ou ils boivent d'alcool, ou ils prennent certaines drogues, ou ils volent, ils profitent. Sur le coup, ils pensent qu'ils se font du bien. لكن كما قال عز وجل وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. Il se fait que du mal. Il y en a يوم قيامة il rendra des péchés. ربما à cause de l'alcool il se fait du mal à lui ou à un autre. À cause de cette drogue il fait du mal à lui ou à un de ses proches. Et à la fin il regrettera. قال ابن القيم رحمة الله عليه وخاصة العقل تحمل الآلام اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل. العاقل, celui qui réfléchit, في الحقيقة il peut pas faire une chose qui lui fait un peu de bien et la conséquence c'est un mal énorme. كم من الناس, ils se sont fait du mal à cause d'une bouteille d'alcool. وقت يسير, ربما il va la boire en 10 minutes, un quart d'heure, il pense se faire plaisir. ثم, c'est la conséquence d'un divorce ou d'un meurtre ou d'un accident ou d'un vol ou autre. كذلك العاقل, une chose qui lui fait un peu de mal ou ça le gêne un peu, لكن le bien il est énorme, il va pas délaisser. C'est pour ça que le mu'min il sort au zakat, il fait salat, il fait le hajj, il fait ramadan. Même si ramadan il mange pas, il boit pas, il faut de la patience, لكن il sait très bien le bien que ça va engendrer. هكذا المؤمن. Faut peser les choses, ne pas suivre son nafs. قال فنظر الجاهل لا يجاوز المبادي إلى غايتها والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها. العاقل المسلم المؤمن voit toujours loin. Je fais cette chose, c'est quoi les conséquences? Je délaisse cette chose, c'est quoi les conséquences? هكذا العاقل. Surtout que le mu'min il sait que la mort elle viendra, il sait qu'il rendra des comptes. Donc il fait encore plus attention. قال رحمه الله فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل. تأملوا هذا المثال. On le répète. قال فيرى المناهي, les interdictions pour ce mu'min عاقل qui a la raison, c'est comme de la nourriture, de la bonne nourriture, lakin il y a du poison. Si il mange, même si en apparence c'est un beau plat, il y a du goût et il pourra prendre du plaisir, lakin à la fin ça lui fera du mal. Limada li anna fihi sum qatil. فكلما دعته لذته الى تناوله نهاه ما فيه من السم. À chaque fois qu'il est attiré par ce plat, il se rappelle qu'il y a du poison, il délaisse. Est-ce que l'aqil, si tu lui passes un verre, une boisson, ou un plat, et tu lui dis il y a un poison, est-ce qu'il va le prendre? Enfin, celui qui fait les péchés, c'est comme s'il mangeait de ce plat avec le poison, ça lui fera du mal. قال رحمه الله ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء وكلما نهاه كراهة وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول. الطاعة c'est comme un médicament. Les médicaments en général c'est un mauvais goût. Ou il va subir une opération, un traitement. En général c'est difficile. Il prend pas de plaisir le patient. لكن il sait très bien que c'est pour son bien. هكذا الطاعة. Même s'il c'est lourd. Surtout au départ, patiente, c'est comme un médicament pour toi. À la fin, tu en tireras profit. هذا هو المؤمن العاقل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمة الله عليه ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها وقوة الصبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. لكن il faut deux choses pour ça. أولا il faut du علم pour savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, pour discerner entre le bon et le mauvais. Tu t'accroches au bon, tu patientes, les mauvaises choses tu t'écartes, c'est un poison. Donc il te faut le علم. Il y en a بعض الناس يمélange. مثلا il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il fait du shirk. Il adore pour un wali, il va visiter sa tombe, il fait le tawaf. Tout ça, c'est minal. Le kufr ou le shirk. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'an Allah, ou il invoque un mort, il place sa confiance en lui. Quand les gens font des ibadat, il n'y a aucune source. Khurafat, bid'ah. Donc, ce bien, il faut du ilm. Kadalik, il faut du sabr. Les gens, ils sont motivés, ils commencent. Prends l'exemple de salat. Ils commencent. Ils font salat un jour, une semaine, un mois. Il trouve un travail, il patiente pas, il délaisse salat. Ça devient trop lourd. Il n'arrive pas à rassembler le travail et la salat. Deux points essentiels. Al-ilm wa sabr. La science pour discerner le bon du mauvais. Al-tawhid min al-shirk, al-sunnah min al-bid'ah. Et la patience pour pouvoir emprunter ce chemin jusqu'au bout. قال ابن القيم رحمة الله عليه ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. كذلك ce verset, tu tires comme leçon, أنك tu places ta confiance en Allah. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Si Allah t'a ordonné de faire telle chose, patiente. Ne crois pas que salat, si tu l'as fait à l'heure, tu ne vas pas trouver de travail. Ne crois pas que si tu appliques sunnah, tu ne vas plus manger, tu ne vas plus travailler. Ittaqillah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. C'est une épreuve, faqat. Et au début, c'est difficile, thumma, si tu es sincère et tu patientes, inshallah, les portes elles s'ouvriront. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. كذلك قال ابن القيم ومنها أنه لا يقتضي على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. كذلك يدمون الله سبحانه وتعالى الخير. Demande pas des choses qui te feront du mal. والله يعلم وأنتم لا تعلم. فدمande الله سبحانه وتعالى qui te facilite un risque et tu peux appliquer ton din. N'aie pas peur du reste. Allah سبحانه وتعالى il te donnera ton risque et tu appliqueras ton dîme. C'est pas le kafir qui te donne. C'est pas cet employeur, c'est pas ce patron qui te donne, c'est une cause. Mais si tu travailles pas chez lui, tu travailleras chez un autre demain. Hakadha al-mu'min. Qala wa minha annahu idha fawwada ila rabbih wa radiya bima yakhtar lahu amadda fi ma yakhtaruhu lahu bil quwwa 'alayhi wal 'azima wal sabr wa sarafa 'anhu al afat. Si tu places ta confiance en Allah, tu patientes et tu obéis, Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera la force de patienter, de suivre, et il te donnera. Qala wa minha, en résumé, annahu yurihuhu min al-afkar al-mut'iba fi anwa' al-ikhtiyarat, yufarriq qalbahu min al-taqdirat wa al-tadbirat allati yas'ad minha fi 'uqbatin wa yanzil fi ukhra. Kadhalik, si tu places ta confiance en Allah, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, ça va te reposer min al-afkar al-mut'iba. Est-ce que je dois m'habiller comme ça? Est-ce que je dois faire telle chose? Si je fais ça, peut-être que j'aurai pas ça. Thomas des concessions dans le din, Thomas de la faiblesse, Thomas shaitan et tamakkan, il prend le dessus. Et tu trouves ce mu'min, il faiblit et il n'arrive plus à avancer dans son din. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner choisir? C'est un khayr. Et l'essentiel, c'est dar l'akhirah. Cette dunya, comme on cite souvent, ça va passer. Tu vas manger comme l'autre il va manger, tu vas t'habiller comme l'autre il va s'habiller, tu vas mourir comme il va mourir. Lakin al-hisab, les comptes. Qala ibn al-qayyim rahmatullah alayh, falaw radiya bi ikhtiyarillah asabahu al-qadr wa huwa mahmoud mashkour maltoufun bih fih. Ça c'est muhim. Anna aussi patient et il accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mathalan il lui a qadr cette maladie ou un de ses proches, si il patient et il dit qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, alhamdulillah ala kulli hal, le destin il arrivera sans aucun doute, cette maladie elle arrivera et il sera à l'aise et il patientera. Al-aks qala wa illa jara alayhi al-qadr wa huwa madhmoum ghayru maltouf bih fihi li'annahu ma'a ikhtiyarihi li nafsihi. Par contre, s'il n'accepte pas, est-ce que ça va changer le fait que cette maladie elle n'arrivera pas? La, Allah, il a qadr que ton proche ou toi-même, tu seras malade, tu seras malade. Fais les causes. N'essaye pas de rejeter. Ba'dannas wa al-'iyadu billah, un de leurs proches ou eux-mêmes, ils sont malades, ou un manque d'argent, et qu'annahu, il n'est pas satisfait, il insulte, il se plaint. Ça ne changera rien. Fais les causes. Si un médicament, prends-le, va voir le médecin et patiente. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Cette maladie, rubbama ya khair azim pour toi. T'as des péchés, t'as pas fait tauba, Allah il te les efface. Allah il t'élève en degré. Rubbama, ça, c'est une cause que tu reviennes à la sunnah. Tu reviennes à Allah Azza wa Jal. Donc il y a un khair. Rubbama, tu ne serais pas tombé malade. Akhil Karim, tu oublies. Kadalik, si les portes de dunya s'ouvrent, argent et autres, rubbama, tu t'égares. Kamina nas, prends l'exemple des stars, des footballeurs professionnels, etc. Kathir minhum, ni salat, ni dhikr, ni hajj, ni. Ils ont tout oublié, les annaoum, ils sont dans un système. Fa'anta, ihmadillahi azza wa jal, que t'as les yeux ouverts et le cœur ouvert. Qala ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, idha nafad al-qadr fil abd, kana min a'zam asbab nufudihi, tahayyuluhu fi raddih. Fala anfa'lahu min al-istislam, wa ilqa' nafsihi bayna yaday al-qadir tarihan, kalmayta. Fala anfa'lahu. من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة. La chose la plus utile, c'est que tu te soumettes, et par rapport au qadr, t'es comme une bête morte, t'es comme un mort. Et tu te soumets, ça veut pas dire que tu fais pas les asbab. Tu fais les asbab, tu fais les causes. Les prendre les causes, c'est obligatoire. Lakin, ne te rebelle pas, ne rejette pas, ne sois pas ingrat, patiente. العاقبة للمتقين قال ابن القيم فإن السبع لا يرضى بأكل الجيفة أو الجيف السبع que ça soit un lion, un animal féroce, il mange pas la bête morte, il mange celui qui est vivant. Ibn al-Qayyim, il te fait un exemple, أن attention de ne pas te rebeller contre le qadar, لأن الشيطان ربما il te fera du mal, comme cette bête féroce elle fait du mal à l'être vivant. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.